Hey, salut tout le monde, ici Nicolas Thibault. Oui, c'est JB qui fait l'intro habituellement, mais... Je suis là pareil! Ah, t'es là, toi? Oui! Non, je fais l'intro parce que je suis meilleur que JB, tout le monde le sait, tout le monde le dit, même dans les messages qu'on reçoit, puis je veux que le show ait du bon sens à un moment donné. C'est complètement faux! Hey, aujourd'hui, je vous parle de ma bolle de toilette. Il est arrivé une situation avant d'enregistrer l'émission, puis je voulais vous en parler, là. J'ai fouillé dedans, j'ai échappé de quoi dedans, ça a failli bloquer dessus, mon propriétaire capotait, bref, plein d'affaires. On parle de plein de sujets. Le COVID-19, en ce moment, la crise qu'on vit, JB, moi, je t'en parle dans quelques instants, là, mais je trouve ça beau. Pas parce que c'est beau, tout ce qui se passe, là, c'est triste, il y a des gens affectés, tout ça, mais vous allez comprendre pourquoi, là, je trouve qu'on peut réfléchir, qu'on peut penser à notre avenir dans certains cas et tout ça, mais surtout, OK, oui, JB va se livrer, c'est bien, bien touchant, là, mais surtout, le on pire parle... build-up ever. JB va se livrer. Fuck off. Mais on parle... De mouettes. Ah, il y a ça aussi, de mouettes. De mouettes. D'opossum. Oui. De belettes. Oui. Et de dragons, de lions, de komodo. Oui, dragons de komodo. Effectivement. Mon animal préféré. Vous allez découvrir pourquoi. De l'autre côté, dans le magasin général. Bienvenue tout le monde sur le magasin général. Je vais gagner ton animateur. Et avec moi, Nicolas Thibault qui boit une grande gorgée d'un savoureux liquide qui est. Du café, j'ai plein de café, c'est bon. OK. Ben, ben c'est quand même mieux ça que de l'absinthe. J'ai passé le premier liquide qui se buvait weird que tu aurais pu avoir parce que la dernière fois, on se rappelle que tu sirotais une crème de menthe. J'ai pensé en prendre une autre. Mais je sais pas, à soir, ça me tentait plus ou moins. Puis, tu sais, malgré que j'aime beaucoup la crème de menthe, ça reste qu'à un moment donné... Ça tombe du cœur, hein? Ben oui, puis on dirait que je vieillis de 25 ans à chaque gorgée. Fait que, je sais pas, j'ai comme arrêté ça d'un coup. Pour pas prendre des trop gros verres. Non, puis moi, j'ai pas vraiment de verres qui se portent à ça. Fait que j'ai comme des verres réguliers de jus, mettons. Ouais. Plus large que haut. Puis là, je mets 2-3 glaçons, je mets ça, puis là, je suis comme, c'est moi, et quand même à moitié. Quand même, hein? Faut que je le finisse. Puis j'ai acheté un litre, c'est une bonne grosse bouteille d'un litre de crème de menthe, là. Il a dépoussiéré avant, puis je l'ai sorti du magasin. Puis je sais pas, on dirait que... Il passe pas le feu trop dans la crème de menthe. Mais tu ris, hein, mais... Mais oui, la SAQ, c'est tout le temps ça, là. Tu sais, les boissons, plus... moi, j'aime bien le triple sec. Pour, tu sais, dans les drinks avec la vodka, tout ça, là, ça vient couper comme la, pas l'acidité, mais le sec de la vodka. Puis quand je vais en acheter, c'est poussiéreux, là. C'est clair qu'il passe pas le Swiffer dans cette étagère-là. Ben, ça sent pas assez, voyons donc. Mais non, c'est clair. Quand j'étais allé une fois en Syrie, ça fait peut-être 4 ans, on était en Syrie à Charlottetown, puis je voulais prendre un verre de crème d'amande. Fait que. On était en. Tu sais, il y a 4 ans, mon anglais était beaucoup moins bon qu'aujourd'hui, là. Fait que. On est assis au bar, j'étais avec une personne de l'organisation où j'étais avant. Puis là, je regarde le serveur, je dis « Hey sir, I'm really sorry, but I don't know how to say it in English, but I just want to drink, you know, a crème de menthe. » Il me regarde et il fait « Oh, you want to say crème de menthe? » Je regardais l'autre, je dis « Oh, calice, ça aurait su que c'était si facile que ça, j'aurais juste dit qu'il y a un accent anglais, je voulais pas avoir l'air d'un cave, mais finalement, ça a l'air que c'est ça. » Ah ouais? Fait que, il dit. Pas menthol cream? Il m'a dit crème de menthe. À moins qu'il rienne ma gueule. Okay. Ben, peut-être que le sticker est en français, peu importe, tu l'achètes en. Peut-être, hein. Ouais. Il y a juste au Québec qu'on boit ça, ça a l'air. Peut-être. Mais CHSLD, je sais pas. Bref. Fait que, tout ça pour dire qu'il m'a donné mon. Mais au lieu de me donner un verre, il m'a donné un shooter de crème de menthe. Moi, j'ai pris en verre pareil. Puis, ouais, non, mais c'était bon quand même. Mais j'ai pris en verre, tu sais, j'ai pris des petites gorgées. Pis... Ouais. Mais là, tu sais, on jasait tout ça. Puis le gars, écoutez nous, il fait. J'ai 3 fois ton âge, puis je bois même pas ça. Puis je me dis, ouais, mais si tu veux, je te dis, moi, j'aime ça, tu sais, j'ai toujours aimé ça, anyway. Puis gars, quand le serveur, il m'a dit, let me a minute, OK? Il est vraiment descendu. Il est allé, puis c'est un bar d'hôtel, fait qu'il a comme ouvert une porte secrète, il est descendu, t'es allé chercher ça, il est revenu, tu vois bien qu'il. C'est pas habituel, là. C'est pas le drink qui garde la portée de main, là. Non, puis là, j'ai commencé à écouter Ségui Noir. Je sais pas si t'as touché ça tantôt. Non. Non. J'ai commencé, je sais que ça date de 2014, la première série. Ouais, mais c'est super bon. J'ai ah oui, c'est adorable. Ils boivent ça là-dedans. Fait qu'à chaque fois que je vois de quoi, bon, là, je me dis c'est en 2014. Fait, peut-être que je suis 6 ans en retard, mais aime ça. Aime ça. Puis série noire, c'est vraiment bon. Sérieux? Ouais, ouais, ouais. Je te vois, c'est niaiseux, hein, le fait qu'on filme, pour les gens qui nous écoutent, nous, on a la caméra. On essaie de le faire Facebook Live, ça serait cool éventuellement, mais là, Zoom nous permet pas de le faire ce soir, probablement des problèmes techniques de leur part. Impossible que les problèmes techniques soient de notre côté, hein? Non. Non. Fait pas de dernière qu'on essaye, hein? M'entends-tu? Mais des problèmes de micro et d'enregistrement, je pense que ma carte de son est en train de mourir. Ouais. Moi, ce que je partais vous dire, je te regarde, puis on commence à le sentir, le confinement, avec ta barbe. C'est trop, hein? Ah, non, j'ai. Passes-tu aux douanes, tu penses? Ça se peut qu'il te fouille. Ben, les douanes. Pas besoin des douanes. J'habite au Bas-Saint-Laurent. Fait que techniquement, juste à me rendre à la pocatière. Puis d'après moi, je passe pas. Tu passes pas. T'acceptes pas. Non, Nick est rendu avec une barbe assez fournie. Moi, ça va me prendre des années pour arriver là. Fait que le confinement, ça m'a. Ben. Je suis douillette du poil, là. Juste les cheveux, check ça. Je sais que là, c'est plate pour les gens qui nous écoutent, là, mais. Tu sais, j'ai rarement eu les cheveux longs de même, puis courts sur les côtés. Puis, check, là, j'ai. C'est long, là. Ouais, ça s'en vient, là. Hé, hey, et même pas ça long en bas, moi. En aïe, aïe, aïe. Hey, mais on parle de toilette, là. Ah oui. On parle. La toilette personnelle, là, c'est toilette. Oui. Tu vois, un gars d'université. Aime ça, aime ça. Un gars qui lit des livres de synonymes. Ben oui, te rappelles-tu à l'époque, je te présentais toujours avec des synonymes weird, genre j'allais sur Google, je tapais synonyme de bonne personne, puis là, je te sortais. Tu te rappelles-tu de ça à la radio? Non, je me souviens pas de ça. Hey, moi, la radio, ok, je pensais sur le podcast. Ouais, non, à l'époque. J'étais genre. Tout le temps des belles intros, c'est quand même sweet, là. Les premières fois, je te disais GB, puis là, tu me disais, ok, tu peux me présenter en français. Ouais. Moi, j'aime pas JB. Le monde, là, je leur dis Jean-Benoît. Tu peux m'appeler JB parce que tout le monde m'appelle JB. Puis là, tout le monde, je ne sais pas pourquoi, là, JB, je suis comme. JB, non. Non, je t'ai dit JB. Je t'ai pas dit Hawaii en anglais. Non, donne-toi pas une twist, madame. Finalement, ça va être Jean-Benoît. Non, mais tu sais, puis en plus, le monde, ils font tout le temps JB, tu sais. JB. C'est parce que c'est pas ça, là. J en anglais, c'est J. Fait que JB, je vais faire OK, au moins c'est tout en anglais. Là, tu mixes deux langues. Là. Ouais. C'est pas cool, là. C'est pas cool. Là. Ouais, mais j'ai pas compris pourquoi ça. Tu sais, tu m'avais même menacé d'arrêter les chroniques. Là. J'étais comme hey, calme-toi, JB, là. Calme-toi, JB. Je m'avais pas menacé. Ben, moi, une lettre par la poste avec une mise en demeure, je trouve que c'est pas mal des menaces. Hey, mon avocat, il dit que c'est comme ça que tu interpelles quelqu'un de manière éduquée dans une civilisation où, ben, le papier reste et les paroles s'envolent. Regarde. Maître Marlin. Ben. Fait que c'est ça. Parlant de toilettes, là, JB. Mon destin. tantôt, je suis en train de me laver les mains parce que ça a l'air qu'il faut faire ça à cette heure, en se levant. Puis, là, je vois que, ben, c'est pas en me levant, mais en tout cas, je suis allé me laver les mains. Puis, j'ai fait ce que j'avais à faire avec après. Puis, parce que moi, je me lave toujours les mains avant. Je t'avais déjà dit pourquoi. Ouais, parce que tu trouves que ton pénis, il est propre. Tu veux pas le savoir. Oui. Ouais. Oui. Puis, ma maman a dit pareil en passant. Non, okay? Je suis d'accord. Ouais, ce que maman dit, c'est vrai. Ouais. Fait que là, je me lave les mains avant, je vais pisser, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai des problèmes des fois à arrêter le temps. Puis ça, c'est pas une blague. Là, j'ai vraiment arrêter de la le temps. T'as de la misère à arrêter le temps. Je ben, pense là, qu'il y a personne qui a pas ce problème-là. Il n'y a personne qui n'a pas le problème de ne pas arrêter le temps. Tu trouves un truc, moi? Ouais? Ouais. Genre. En arrière de ton horloge, t'as une pile, tu l'enlèves. Ah ouais, ouais. Le temps avance pareil. Bon, dépend. En tout cas, bien. Tout ça pour dire que j'ai de la difficulté avec le fait de... En tout cas, un de mes psy que j'ai dû avoir à l'époque, parce qu'il y en a plusieurs qui ont passé depuis. Là. Ils font tous des burn-out, on s'excuse. Non, c'est pas vrai. Non, mais j'ai dû avoir un psy à l'époque qui me disait « Toi, t'as de la difficulté avec le... » Comment il m'avait dit ça? Que j'ai de la difficulté avec le... Pas le silence, mais le... D'être tout seul avec toi-même? Ouais, mais il m'avait sorti un terme que j'ai trouvé extraordinaire. Non, il n'a pas été à l'université, moi aussi, là, pas d'argent pour ça. Ils sortent pas des mots de 4-5 syllabes de même. Ton psy, il est pas allé à l'université. Non. Je pense qu'on peut tous ensemble déterminer que c'était pas un psy. Tu penses? Ben, c'était peut-être un ami. Mais ça vient pas avec un. Ouais, mais sont-tu vrais, les papiers? Bon, compagnon numéro. Je sais pas. Sûrement, OK. Ceci instant, continue. Mais non, il a pas dit introspection. Il a dit que j'avais de la difficulté avec le. En tout cas, j'avais de la difficulté avec le fait d'arrêter le temps. Là. Je retrouve le terme, je vous le dirais, mais c'était vraiment beau. Puis ça m'a fait réfléchir à ça. Puis c'est vrai que j'ai de la difficulté avec faire une affaire à la fois. Malgré que je ne suis pas bon à en faire deux en même temps parce que je ne suis pas compétent, j'ai de la difficulté avec faire juste une affaire. Fait que je suis en train de pisser, puis je ne sais pas pourquoi je fouillais dans mon armoire en haut de la toilette parce que des fois, je pisse debout. Tu t'en parles, là. Ouais, c'est ça. Puis au moment où j'ai flushé, j'ai fait tomber mon peignoir. Ah, non, okay. Mon peignoir. Fait que, hey, un peigne dans la toilette, peux-tu dire que j'ai paniqué? J'appelle mon plombier, mon propriétaire. Puis, je dis, ah là, Sylvain, j'ai un problème, là. Qu'est-ce que je fais? Puis, ça, puis moi, je connais rien là-dedans. Moi, là, toilette. Mais là, tu flochais? Fait que l'eau. Ouais, en même temps. OK, OK. Fait que là, j'appelle un de mes amis plombiers. Ça se peut que les crottes, ils passent plus. Ben, il n'y a plus rien qui passait. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus rien qui passait. Là. C'était tout croche, probablement. Puis, tu sais, une toilette, c'est pas faite. C'est un S, là, ouais. Exact. Fait que là, en tout cas, il était pogné. Puis là, j'étais allé chercher ce que je t'ai montré avant, là, des bouches toilettes que j'avais pas. Ouais. Parce que moi techniquement, j'étais un peu épais. Là. À chaque fois que je me dis, je vais chercher quelque chose à l'épicerie ou au dépanneur, je ressors toujours avec d'autres choses. Et je cherchais du lait, je ressors avec du coke. Je ressors avec un pain, peu importe quoi. Puis, à chaque fois que je vais à l'épicerie, j'oublie toujours d'acheter un débouche toilette. Fait que j'ai acheté à la place au IKEA, à un moment donné, une brosse à toilette. Fait que moi, quand je vais déboucher... C'est pas la même affaire, là. Non, mais ça fait pareil. Je fais un qui allait plus fort, mettons, dans le trou, puis ça débouche. Ouais, tu brasses l'eau plus que d'autres choses, là. Non, puis ça, OK, ça débouche. Tu sais, j'ai jamais eu de problème avec ça. J'ai débouché une couple de fois. Des fois, fallait que j'utilise la brosse, puis j'ai débouché. Mais okay. Tantôt, là, j'avais peur de faire ça, puis de le pousser plus loin, tu sais. Fait que là, j'étais allé chercher chez un de mes amis qui était une demi-heure d'ici, un débouche-toilette au lieu d'aller à l'épicerie. Puis, je l'ai ramené chez nous, puis il m'a dit là, tu pousses, puis c'est un truc à tout le monde. Mais écoutez, là, arrêtez de faire des choses. Ils se partagent la connaissance, là. Ah ouais. Non, il m'a dit, tu pousses, quand tu vas pousser avec ton débouche-toilette, tu pousses tranquillement, puis tu retires bien, bien fort. Au lieu de le pousser, tu vas le suctionner. Ouais. Puis après 3-4 coups, je te confirme qu'il est quasiment eu dans la face, le pain. Quasiment. C'est ça d'honnêteté, là. Non, je t'ai dit, mais là, après ça, là, moi, je le prends, je le mets dans le lavabo, et je me dis, Chris, je peux plus me peigner avec ça, c'est fini, là. Mais là, même si mon chum, il me disait, Nick, dans une toilette, il y a probablement moins de microbes que dans un lavabo, chose que je suis convaincu, ça reste que j'ai... Il y a un blocage mental, là, je te comprends, mais en même temps, le pain, tu peux... je sais là, que tu vas le reconnaître, puis tu vas le savoir que c'est le même qui a échappé dans la toilette, mais si tu le laves comme du monde, le lave-vaisselle, la patente, il n'y aura plus rien, là. Ben là, j'ai fait mieux que ça. Tu peux le mettre dans l'acide, tu peux, tu sais, de la vodka, quelque chose, tu sais, de quoi, qui va stériliser, tu sais. Ben là, je fais le lien avec la crème de menthe, j'ai pensé... Tu vas associer la crème de menthe à la bolle de toilette. Je suis pas sûr que tu vas avoir le goût d'après ça de reboire ton drink. Ben là, j'ai fait autre chose. Il m'a dit, mets de l'eau bouillante sur ton poêle, puis mets-les 5-10 secondes dans l'eau bouillante. Il dit, il n'y a pas un microbe qui va résister à ça. Les microbes font comme, ah, je la traitais de charrue tantôt, mais là, t'es obligé de la respecter. Fait que tout ça pour dire que je l'ai c'est mis. C'est très premier degré comme humour, excuse-moi. Ben là, c'est parfait, ça. Fait que c'est ça, je l'ai mis 3 fois 5 secondes dans l'eau bouillante, extrêmement bouillante, puis là, après ça, je l'ai lavé. Attends, wow. Extrêmement bouillante, là. Ouais. Fait qu'elle faisait quoi? Les bulles avaient des bulles? Comment tu deviens extrêmement bouillant? C'est bien fatiguant, toi. Ok, ça, excuse-moi, j'accroche des détails. Non, mais. Ben, des détails. Hey, on n'est pas une boule proche. Bouillante. OK. Je l'ai mis dans l'eau bouillante. Oui. Puis, après l'avoir mis dans l'eau bouillante, excusez, j'ai fait un petit regard cochon. Fait que, après l'avoir mis dans l'eau bouillante, j'allais laver comme il faut. Puis là, je me suis pas peigné, mais ça va venir. Mais, penses-tu que tu vas avoir des PTSD? PTSD. Ouais, c'est l'acronyme en anglais de comment tu appelles ça? Des chocs post-traumatiques. Oh! Tu vas te regarder le pain, puis tu vas te rappeler des souvenirs, puis tu vas figer, puis tu vas revivre ce moment de ton passé. Si oui, je t'appelle, OK? Non! JB, j'ai un problème. Mon pain, il me rappelle des souvenirs. Ah, oh, puis de la merde, c'est-tu? Ouais, fait que c'est ça. Okay. Je vais te compter ça dans ton jeu, question qu'on passe un petit 15 minutes sur une blague de toilette. C'était très simple. Hey, j'aimerais ça saluer les gens qui ont marqué il y a 2 ans sur Apple, sur iTunes. Oui, ceux qu'on vient de retrouver. Ouais, moi, je regarde rarement les commentaires. T'as-tu les commentaires là ou... Hey, attends, je vais te retrouver ça. J'ai l'application iPod. iPod. Non, j'ai un iPod Touch, moi. Non, j'ai un iPod Touch puis j'écoute Ciguë Noir. Tu vois bien que je suis en retard dans le temps. Ça. Bon. Mettons que je vais ici, le magasin général. Ouais, je les ai ici. Il y a Dayek Pate qui nous dit « Excellent, ça change des autres podcasts. » Elle nous a donné 5 étoiles il y a 2 ans. On en remercie. Oui, vraiment. Dans le présent, là, pas dans le passé. Non, il y a 2 ans, je l'ai envoyé chier. J'ai comme 00. C'est pas vrai. J'ai comme 001. Dans cette recrudescence de podcasts franco-canadiens, rares sont les émissions de qualité qui offrent autre chose que la geekness. Parle à toi, je pense. D'excellents intervenants, j'adore. Ils touchent à tout. Merci, les gars. Voilà, touche à tout. Pas poussé. Hein? On se touche pas de trans, là, mais... Pas tant. Ah, OK. Mais oui, j'ai comme 001. Sérieux, c'est 2 commentaires qui m'ont vraiment touché. Puis je vous remercie. Je vous remercie en notre nom personnel. C'est vraiment très, très fun de lire ça. Puis si on peut faire du bien à certaines personnes une fois de temps en temps, c'est différent de ma vie personnelle. Ou que tu ne fais que du mal à tout le monde. Fait que tu te reprends en podcast avec des BA. Là, je ne fais que ouais. Du bien. J'ai l'air d'un bon gars, dans le fond, mais tu sais. Moi, là. Quel tonneau de cul. Hey, j'ai déjà frappé une mouette. Tu sais. Ah, tu viens de me faire passer un souvenir. Quoi, c'est donc? Souvenir de mouette. À un moment donné, les gens savent là, probablement parce que je n'ai tellement parlé que j'ai habité pendant 3 ans sur la Côte-Nord, à Havre-Saint-Pierre. Mm-hmm. Puis là-bas, le McDo le plus proche est à Sept-Îles, ce qui veut dire 2h30 de route. Ah, ouais. Fait que tu sais, des mouettes ou des goélands, c'est des goélands de plage, pas de fast-food. Ils sont... Puis à un moment donné, moi, je m'appelais, on va chercher une poutine. Puis il y avait... T'as-tu fait ça, les retours? Non, pas, la poutine, c'est pas au McDo. C'est juste, okay. Juste pour... C'est une poutine locale. On l'a pas importée, mettons. On l'a pas, okay. On l'a pas dédouanée, tu sais. Parce que je pas me disais, là. Tu sais, dans la vie, j'arrête pas de dire que je sais pas le matin ce que je veux manger. Si tu vas aller au McDo, c'est juste ça, j'en ai le matin. Ouais. Tu pars 24 heures d'avance. Mais puis il faut que tu reviennes. Fait que ta journée est pas mal barrée. Ah, c'est ça. Mais il y avait au Havre, c'est super plat. Hein, tu sais, c'est sur le bord du fleuve. C'est pas une place où est-ce qu'il y a beaucoup de collines. Puis, à sortie de la ville, genre à 1 km, t'as un genre de belvédère avec... Je te jure, là, c'est un dénivelé genre de 200 mètres. Là. C'est rien. Okay. Là, c'est vraiment pas haut. Puis il y a une place pour pouvoir... tu as un rond-point, là, un belvédère là, pour de la vue. Tu sais, tu as la vue sur les îles. Tu as l'île d'Orléans, l'autre bout. Tu as tout ça. Puis tu as la municipalité d'Havre-Saint-Pierre qui est au pied de la montagne. Parce qu'ils appelaient ça la montagne ronde, mais... pas une montagne, là, tu sais. Fait que la première fois, j'étais avec ma blonde, je dis, hey, chérie, capote pas, là, on s'en va dans les montagnes. Parce que moi, je suis arrivé un peu avant elle. Je m'étais fait parler de la place. J'y avais été, j'allais prospecter les lieux. Fait que, je suis avec ma blonde, je cligne pas des yeux, là. Tu m'as manqué. On arrive à la montagne. Et plop. Fait que là, on arrive au belvédère, cette fameuse journée-là. Puis on a une poutine, par manière. On a pris une poutine, mais elle était trop grosse. Fait qu'on a plus faim. Là, je vois une mouette. Là, je lance une frite. Elle, la capote sa vie. Des frites, elle remet ça, elle, là. Tu sais, McDo, il est loin, là. Fait que je lance une frite. Là, elle commence à caler ses amis. Oh là, fait que là, il y a une autre mouette qui s'en vient. Une autre mouette. Puis à un moment donné, te jure, il y a un nuage de mouettes qui s'en vient de Havre-Saint-Pierre vers la place. Il y a des centaines et des centaines de boîtes. Puis là, on fait comme, Chris, on est dans les oiseaux de Hitchcock. On va mourir là. Qui a séparé des inséparables? Parce que c'est ça la twist du film, là, pour les spoilers. Ah, OK, ben attends une minute, là. Oui. Fait que tu m'as fait penser à ça avec ton histoire de mouette, cette anecdote de on s'est fait envahir notre lunch par des mouettes, puis finalement, je te jure, à la fin, on n'était plus les maîtres et l'espèce dominante dans le secteur, OK? Mais t'as-tu paniqué un peu en voyant ces mouettes-là arriver? Quand j'ai vu la... Parce qu'au début, tu fais une, il y a encore d'autres, là. Mais tu fais comme, Chris, t'as un nuage, là. C'est... Ils sont une gang! Ah, c'est là, bon. Je me souviens, tu sais, juste... T'as l'île, t'as la municipalité d'Ambre-Saint-Pierre, tu vois un est gros. On dirait que tout se rassemble. Il y a un nuage de mouettes qui se forment, qui s'en viennent. Comme, on dirait qu'ils n'ont pas été nourris à graisse de frites depuis des millénaires. Ah, si, c'est bon. Ils vivaient le moment, eux autres, là. Mais là, quand tu dis. Attends une minute, je suis en train de. Qu'est-ce que tu googles, là? Ben, Ambre-Saint-Pierre. Ouais. Puis. Quand tu dis l'île, là, c'est-tu, mettons, la réserve de parc national de l'archipel de Mingan? Oui, en fait, il y a plusieurs îles. Tu as l'île fantôme, tu as l'île au perroquet, l'île fermée, ouais. T'en as plusieurs. Mais celle que je parlais, c'est pas l'île d'Orléans, c'est l'île d'Anticosti que tu vois au loin. OK, ben je trouvais ça loin, là, que tu voyais l'île d'Orléans. Non, c'est à Québec, ça, je me suis trompé d'île. Puis, c'est ça, l'île d'Anticosti, je vois, là. OK, ouais. OK. Ouais. Fait que tu vois, tu sais, vraiment au loin, là, mais tu la vois quand même très, très bien. Là, de tu sais, quand tu penses à ça, là, c'est grand en tal Québec. Hein? Ouais. Non. Sérieux, là. Ça, c'est rien. Là. Dis-toi là, que, tu sais, tout le long du fleuve, là, juste pour le fun, là, on genre. Oui. OK? Tu prends le fleuve, là. Tout ouais. le long du fleuve, OK? Prends 15, mettons 30 km à partir des berges, puis vers l'intérieur des terres, et t'as quasiment plus rien. Ah ouais? Ben oui. Tu sais, mettons là, off Saint-Pierre, 30 km au nord, t'as rien. Sept-Îles, 30 km au nord, t'as rien. Mais comme des arbres. T'as rien, là. T'sais, t'as des affaires, là. T'as genre Fermont éventuellement, puis t'as le grand nord du Québec, mais même affaire, le lac Saint-Jean, là, le Saguenay, il y a rien, là. Passer 30 km de l'eau, il y a rien, là. Le lac Saint-Jean, toute la population est en entour du lac, là. Même chose pour la rivière Saguenay, tout le long du fleuve Saint-Laurent. La population du Québec, là, à part la grande région métropolitaine là, de Montréal, où est-ce que c'est plus large un peu, là, mais tout le reste du Québec, là, c'est une bande de 30 km là, de chaque bord du fleuve. As-tu déjà été à Fermont? Non, j'ai jamais été à Fermont. Parce que. Moi, j'aimerais. Vas-y. Oui, ce que je partais vous dire, c'est que le plus proche que j'ai habité de Fermont, c'est Havre-Saint-Pierre, mais pour aller à Fermont, tu ne peux pas passer Havre-Saint-Pierre, Fermont. Faut que tu descendes à cette île, que tu descendes à Baie-Comeau, puis de Baie-Comeau, tu remontes vers Fermont. Ça fait un nasty ride, là. C'est clair. Si tu fais pas le détour juste pour faire le détour, faut peut-être de quoi aller faire là. Moi, j'aimerais ça vivre l'expérience Fermont pour le mur. Ouais. Ouais. Tu te rappelles dans le scandale que ça avait créé, là, la chanson de Vincent Vallière? Oui, j'avais. Je pense que tu travaillais encore en radio où on faisait des magasins généraux. Il me semble que tu m'as déjà parlé de ça. Ouais, ça avait fait un. Tu sais, qu'on faisait des magasins, ça avait fait un scandale. Puis ça, à chaque fois depuis cette toune-là, je me dis un jour, je veux vivre ça. Puis là, depuis récemment, il y a. Ben, récemment, depuis quelques mois, là, il y a une pub là, sur une émission qui passe à télé là, qui parle de ça justement. Là, où, c'est comme une enquête policière. Puis je sais pas si tu l'as vu passer, mais il y a comme j'ai la fille. Pas le câble. Qui dit, ah, c'est vrai, tu l'avais dit ça. Ouais. Mais il y a une fille qui dit, je pense que c'est à Club Hélico, là. Puis il y a une fille qui dit, il faut aller à Fermont. Puis elle fait, ouais, ça c'est. Dans... Comment elle dit ça? Elle dit, c'est dans le Grand Nord, ça, ou je sais pas trop. Puis il dit, c'est plus. En tout cas, il parle encore du mur. Il fait encore une référence au mur. Ça m'échappe, ouais. Là, la façon de la tournure de phrase, puis tout. Mais à chaque fois, je me dis, j'aimerais ça vivre ça juste pour ça. Puis quand j'entends cette pub-là, là, c'est. Immanquable, tu penses à. C'est immanquable. En fait, pas juste, je pense. Je vais à chaque fois sur mon téléphone taper mur Fermont, puis je veux voir une image pour me le remettre en tête, puis juste revoir tout ça. Ça, là, c'est quand même magique. Hein. Il y a beaucoup d'humoristes, tu sais, je sais pas si t'écoutais, mettons, des sous-écoutes, enfin, même, là, des fois, ils racontent des anecdotes de, justement, le Fermont, puis c'est malade. Là. La salle de spectacle, dans le mur. L'épicerie, l'école primaire et secondaire et le bar de danseurs sont dans la même bâtisse. Tu peux passer ta vie à ne vivre que dans cette même bâtisse-là. Là. Les spectacles, les gens, ils vont en pyjama pantoufles. Eux autres, ils étaient prêts pour le confinement. Oui, c'est effectivement, mais eux autres, ouais. Puis, excusez, c'est pas une mauvaise blague. Là, le mais... ravitaillement va être tough, là, éventuellement, là, mais ah, ouais. C'est clair. Mais le mur, c'est techniquement parce qu'ils vendent trop, c'est ça? Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est, toi, alors, Saint-Pierre, et... Mais nous autres, on avait du vent de la mer, là. C'est vraiment. Puis de l'eau gèle pas dans ce coin-là. Tu sais, il y a une petite bande, là, le long de la berge, là, mais tu sais. Ouais, c'est ça, ça gèle pas. L'eau est à 4 degrés à l'année, tu sais. Fait que c'est fret. L'été, c'est chaud l'hiver, ça dépend. Là. Fait que, tu sais, ça vient juste faire une température de marde toute l'année. L'hiver est vraiment long. Là. Ouais. Il y a le festival des tulipes au mois de mai. Tu sais, à Ottawa, nous autres, on disait, ouais, il nous reste encore un mois et demi d'hiver. Ouais, je comprends. Ben, on exagère un peu. Là. Au mois de juin, c'était rendu en été, là, mais c'est ça. C'est long. On le vit ici aussi. Tu sais, moi, c'est mon premier hiver ici. Puis, je veux dire, en ce moment, là, ça commence à fondre à vue d'œil, là, d'une certaine façon. Mais Montréal, il n'y a plus rien depuis un mois et demi. Là. Ouais. Puis ici, il y a encore de la neige, j'ai encore neigé un peu hier, fait qu'il y a une couche qui s'est comme rajoutée, puis je veux dire, ils vendent tout le temps. Hey, dans ma hotte de poêle, c'est pas drôle, il y a des fois, là. J'ai l'impression qu'il y a des gars se battent. Ah, c'est comme, hey, calmez-vous, là. C'est quelque chose. Mais c'est ça. On est parti d'une toilette pour ça, ben. Ouais, on est revenu dans ta hotte de poêle. On est parti de ton appart. On fait des anecdotes de mouettes. On est parti dans le mur, puis on est revenu à ta cuisine. C'est pas si pire, là. Il y a quand même un fil. Ça n'a pas l'air, mais il y a un fil conducteur à tout ça. T'sais. On ne sait pas ce qu'on s'en va, mais on sera quelque part. C'est ça l'important. T'as aimé ma blague aujourd'hui que je t'ai envoyée? Oui! Est-ce que je te trouve épais dans des moments de même? Faut compte ça pour nos auditeurs. Puis ils jugeront de l'acabit de cette blague. Je ne peux prendre le crédit, puis tu m'as pas de rush. Non, prends-le pas le crédit. Non. Veux pas tant le crédit. C'est pas du crédit que je veux prendre, bien au contraire, mais je l'ai trouvé quand même drôle. À un moment donné, faut pas nécessairement rire de ce qui se passe, mais il faut quand même prendre ça avec une certaine pointe d'humour, disons-le comme ça. Puis il y a un médium qui m'a envoyé une blague qu'il a vue sur un groupe Facebook de jeux de mots bizarres. Puis ça dit, en lien avec l'épidémie, la ville de Granby a demandé aux jardins zoologiques de retarder son ouverture estivale au cas où. Je l'ai vraiment trouvé bonne. Oui. Ah oui. C'est un jeu de mots. Avec des petites voix à la François Pérusse, on rit toutes. Là, on trouve ça ordinaire. C'est le même. C'est ça, des jeux de mots. Pérusse, il a le droit. Pérusse, il a le droit. Il est même pas drôle, Pérusse. Il est très drôle. Ouais, c'est ça. Pour vrai, je l'aimais pas beaucoup, lui, avant. J'aimais plus ou moins son... Tu sais, je me dis, OK, ça fait de son temps, mais je réécoute des affaires, puis je me dis, il y a de l'imagination en tas, ce gars-là. Là. Moi, faudrait que je réécoute ça. L'album du peuple, tome 1 et 2, là, j'ai écouté ça... Quand mon père est décédé, je n'étais plus capable de m'endormir. T'sais. Ça me prenait quelque chose. Puis d'ailleurs, j'ai gardé cette habitude-là. Là, j'écoute des podcasts pour m'endormir puis, avec un timer là, pour l'arrêter. Mais les cassettes de l'album du peuple, là, j'avais, mettons mon lit, là, un lit simple. Puis tu as la base de lit. Puis je mettais mon tape cassette à côté sur la base de lit. Fait que ça résonnait par, mettons, les coussins puis tout. Le matelas. Fait que j'ai écouté là, face A, face B, des cassettes de l'album du peuple là, comme des centaines de fois dans ma vie là, pour m'endormir. Fait que l'album du peuple, c'est ça. Moi, ça m'empêchait de ne pas être capable de dormir. C'est ça le souvenir de Pérusse. Il y en a qui... Je suis un peu comme toi, là, j'ai besoin d'avoir des bruits pour m'endormir parce que dans le silence total, ben, comme le psy me disait, là, j'ai de la misère à... Je me questionne, je réfléchis à des affaires un peu trop bizarres. Comme tu sais. C'est vraiment en question. Mais ouais, c'est correct de se remettre en question. C'est juste de. Il faut juste pas toujours penser que notre situation est pire ou meilleure qu'elle est, puis être quand même réaliste. Exact. T'sais, des fois, tu idéalises des affaires que parce que tu es de l'extérieur, justement, puis tu penses que ton milieu, c'est le pire. Ouais. Mais c'est ça. Fait que moi aussi, j'ai de la misère à m'endormir. Si pas... Il y a des soirs, là, j'ai vraiment besoin là, de... C'est plus, je vais le dire différemment, puis tu vas rire, là, puis ton chum aussi de. Ton chum de réalité augmentée aussi va rire. Là. Plus souvent qu'autrement, si t'es veilleux, me borde. Mon chum de la POC. C'est quand il s'appelle Sylvain, c'est ça? Sylvain, oui. L'ai encore, lui. Ah, regarde. Il est capable d'en prendre. Hey, j'ai de quoi pour toi? Oui! Je. Je vais essayer de zigzaguer tout ça parce que je veux pas non plus. Je veux pas qu'on parte sur une longue dérape psycho-personnelle de plein d'affaires, là, mais mm-hmm. ce qui se passe en ce moment, là, oui. c'est le confinement, le COVID. C'est pas fini cette affaire-là? Non, c'est pas fini. C'est, non, le Québec, le monde sur pause. Là. On vient de. Ben, tu sais, en date de. Nous, on est le 2 avril là, au moment d'enregistrer. C'est la plus grosse augmentation qu'on a eue, 906 ou 907 cas. Mm-hmm. De plus, qui est annoncé par le premier ministre Legault en point de presse. Ça frappe l'imaginaire. Là. Puis il y a quelques minutes, là, je voyais à la télé, on a franchi à travers le monde le cap des 1 million de personnes infectées. Donc, c'est fou, hein, parce que tu sais, on trouve ça gros, mais la réalité, c'est que 1 million c'est... sur 8 milliards. Ouais, c'est ça. Non, exact. Puis. Je voyais tantôt Gaétan Barrette, le ministre, ben, l'ex-ministre, disait faut pas paniquer, là. Oui, c'est une grosse augmentation, mais plus les jours avancent, plus il y a de monde infecté, fait qu'on est toujours à 10 % des gens. Là. T'sais, c'est juste que 10 % de 100, c'est 1, puis 10 % de 1000, c'est 100. Fait que, t'sais, mm-hmm. Fait que, bref, ce que j'allais dire là-dessus, c'est puis tu me diras ce que tu en penses brièvement, on partira sur une petite discussion, là, mais ce qui se passe en ce moment, là, cette pause-là, cet arrêt obligatoire, puis les gens confinés, puis. Ça va. Je me rappelle pas qui me disait ça, mais il y a des gens qui me disaient que ça va briser les couples. Ça va. Ben, semble-t-il, les demandes de divorce, c'est parti en flèche, là. Ben, autant les demandes de divorce que un nouveau baby boom, à la limite, va peut-être voir le jour dans 9 mois, tu sais, puis il va avoir beaucoup de bébés Horatio. Mais. Sûrement. Ma blonde, elle me disait que, tu sais, elle va marcher, là, avec le petit. Moi, je travaille encore, là. Il y a des journées que je suis à la maison, mais la plupart du temps, je travaille du bureau, puis. Elle me disait qu'elle a commencé à voir cette semaine des chicanes de famille. Là. Les enfants qui veulent jouer avec leurs amis dans la rue. Des jeunes qui ne catchent pas. Là, on parle pas d'ados, là, on parle de jeunes. Là. 4-5 ans. Les parents, ils essaient de les contrôler. Puis entre les parents, puis c'est comme que le ton avait changé là, dans le quartier. C'est sûr. C'est pas tout le monde, là, mais. Ouais. Non, mais elle sentait pas ça avant. Là. Exact, puis c'est une crise sans précédent. Fait que des fois, je pense qu'on en parlait dans le dernier show, il y a des réactions auxquelles on peut même pas s'attendre nous-mêmes à faire, tu sais, à démontrer, tu sais. Mais à travers tout ça, là, il y a quand même quelque chose de positif. Tu sais, je me dis, j'entendais dans les premiers jours, sans même qu'on sache où on s'en va, où on s'en allait, qu'il y allait avoir un avant COVID et un après COVID. Ouais. Puis en ce moment, mettons, moi, sur le plan personnel, je grandis énormément. Puis je me questionne, puis je me pose des questions, puis sur plein d'aspects de ma vie. Puis je me dis, crème, il y a peut-être justement des gens, puis des secteurs industriels ou des secteurs de appelez ça comme vous voulez, là, de notre vie de tous les jours qui va, oui, changer, s'adapter. Est-ce qu'on va... tu sais, sans dire que les chars vont voler en sortant du COVID, là. Il y a peut-être des habitudes qu'on avait qu'on ne pourra plus avoir après, ouais. Mais je me dis qu'il y a quand même un côté positif à tout ça où sans dire conspirationniste, parce que ce n'est pas un mot qu'on peut nécessairement utiliser aujourd'hui avec ce qu'on a vu à la télé tantôt aux États-Unis, là, mais j'ai comme l'impression que c'est un genre de message qui nous est envoyé à tout le monde pour qu'on comprenne que il y a plus gros que nous autres. On n'est rien au final. T'sais. Puis on s'est comme tout approprié ça. Puis on est parti sur une dérape. Puis là, à un moment donné, on est ralenti. Il y a un peu ésotérique là, qui dit que c'est la nature qui se venge. C'est comme à l'échelle de la planète. Là, ouais. Ça n'a pas changé grand-chose. Là. Le nombre d'individus qu'il y a sur la Terre. Là, puis le ralentissement de certaines économies peut-être fait du bien. Couche d'ozone, whatever, là, tu sais, mais tu sais, le cancer pour la planète que l'être humain est pas éradiqué, là, est loin de là. On n'est pas là, là. Mais on avait une discussion aujourd'hui, on allait prendre une marche, puis toujours en regardant le 800 2 mètres de distance, là, oui. 200 mètres, oui. Le 200 mètres, comment? Il l'a dit, Claude Legault. Claude Legault, le premier ministre. il l'a dit, François, là, si vous couchez. Son père nous l'a dit, là, François. Oui, c'est ça. Mais François, il l'a dit, si vous couchez dans le même lit, pas grave, là, besoin de 2 mètres de distance. Non. Non, non, effectivement. Mais tu sais, c'est parce que si vous êtes toujours ensemble, non, effectivement, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, on marchait, puis il y a une autre maman du quartier qui est venue marcher avec nous, mais tu sais, on toujours la bonne distance, tout ça. Puis elle, la réflexion, je trouvais ça très, très intelligent comme réflexion. Elle a dit le 11 septembre, le 11 septembre de 2001, il y a des choses qui ont changé. T'sais, on ne le savait pas à ce moment-là que ça allait changer et qu'il y allait. Les gouvernements, la société allait changer et que ça allait être gardé. T'sais. Exemple, les contrôles dans les aéroports. Auparavant, avant cet événement-là, c'était vraiment moins strict. Le passer des douanes, tu passais quasiment comme une lettre à la poste. Là, c'était beaucoup plus simple, mais il y a des droits et libertés qu'on a accepté en tant que population, en tant que peuple aux États-Unis, au Canada, puis un peu partout dans le monde, qu'on a accepté de céder de par la grandeur de l'événement. Mm-hmm. Là, on parle de sécurité aérienne. Tu n'as plus le droit d'avoir des liquides avec toi. Tu n'as plus le droit les scans corporels, tout ça. T'sais. La question qu'elle soulevait, c'est, on ne le sait pas encore, mais qu'est-ce qui va avoir changé? Qu'est-ce qu'on va nous avoir imposé en tant que population en termes de droits humains et droits de liberté qu'on va perdre là puis qu'on n'aura plus à nouveau, tu sais? Puis je ne le sais pas, là, mais est-ce que ça sera des pertes négatives ou positives? Je ne le sais pas, tu sais. Ouais. Moi, le premier réflexe que j'ai en tête, c'est de dire peut-être que l'habitude qu'on a, tu sais, quand on croise des gens, de serrer la main, ça va être terminé. Je comprends. J'ai cette impression-là que l'habitude va s'être cassée puis que ça sera plus aussi bien vu ou impératif de se serrer la main en se croisant. Non, c'est un très bon point. Puis ça, c'est extrêmement léger, là, mais imagine... Ouais, ça fait partie des coutumes pareilles. Ouais, mais... Et les deux bisous, mettons, là. Ouais, mais j'essaie de passer, mettons, qu'est-ce que le gouvernement pourrait imposer qui ne reviendrait pas en arrière, tu sais, qu'il pourrait en profiter ou... Je ne veux pas le dire nécessairement comme c'est négatif puis on nous l'impose ou quoi que ce soit. Oh, là, mais tu sais, il y a eu en Ontario, il y a eu des demandes à savoir les gens qui sont atteints de la COVID. Est-ce qu'on pourrait demander aux fournisseurs d'accès de téléphone d'avoir le tracking des gens dans les derniers jours avant la découverte de leur test positif pour savoir où est-ce qu'ils ont été exactement, tu sais? C'est majeur, là. Ben, c'est majeur, mais en même temps, c'est une question de santé publique puis de effectivement, vie. Mais là, dans la situation de crise, est-ce qu'on est prêt à l'accepter? Probablement plus. Mais si on le cède, est-ce que ça va revenir? Est-ce qu'on va réannuler ça? Ou on va garder une clause de à partir de tel niveau d'alerte, là, on a le droit, tu sais. Puis c'est quoi un niveau d'alerte? Tu as une personne qui est disparue, tu le déclenches-tu? En tout cas, c'est un défi en tant que société d'harmoniser les technologies et les capacités des technologies à nos droits et libertés. Tu sais. Ça s'imbrique pas parfaitement. Là, tu sais, c'est un peu tout croche. Ben, moi, j'ai le feeling que tu as raison. Là, je peux pas te dire quoi, mais il y a des affaires qui vont changer. Et j'ai vraiment l'impression que cette situation-là va limiter certaines inconsciences qu'on avait, qu'on aura pu. Tu sais, je pense à ceux là qui... Aujourd'hui, on a le gouvernement Legault a annoncé que si t'étais encore de ceux qui pensent que c'est pas important puis que tu peux aller jouer à Pousse-moi le plus fort dans le banc de neige au parc Mont-Royal, là, mais... Il y a plus. Ouais, c'est ça. Déjà, si tu peux jouer à le jeu-là, ça va pas bien. Mais non, mais en fait, ceux qui se rassemblent dans les parcs puis tout ça, tu sais, c'est les policiers maintenant ont carte blanche ou presque à te donner des constats d'infraction qui varient entre quoi, 1000 et 6000 $, je pense. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, là, on est rendu à ce point-là. Fait que ceux et celles qui pensaient que c'était pas important, puis qui se disaient, c'est juste une grippe, ben, c'est pas grave, puis qui pensent juste à eux autres, puis qui pensent pas à ceux qui vont côtoyer par la suite, puis qui peuvent infecter sans même eux avoir de symptômes. Mm-hmm. Ben, je veux dire, là, ces gens-là doivent comprendre. Fait que, est-ce que ça va leur donner, tu sais, des fois, dans la vie, t'as besoin d'une, de frapper un mur pour réaliser que c'est plus grand que ce que tu penses, est-ce que cet événement-là peut mener à une réflexion plus importante sur plusieurs autres sujets? Peut-être que oui, parce que là, on parle de vie, de santé publique. Je sais pas, parce que l'aspect... Je sais pas, toi, t'écoutes-tu les deux points de presse quotidiens, Legault et Trudeau? Je vais être bien, bien franc, j'ai de la difficulté avec celui du matin. Ouais, c'est celui que je trouve qu'on apprend le moins de choses, mais en même temps, comme je disais sur l'épisode précédent, c'est un enjeu de santé. La santé, c'est provincial, fait que logiquement, il y a moins de pouvoir, là. Mais c'est surtout aussi depuis que j'ai appris qu'on diffuse pas, puis j'ai rien contre les diffuseurs, là. Ils veulent diffuser le premier ministre, chose qui est importante, et je comprends, mais on diffuse pas, mettons, à LCN, celui qui est subséquent à celui-là, qui est du premier ministre, je sais pas trop, ouais, exact. Qui est la docteur de la santé publique, directrice de la santé publique du Canada. Puis là, on donne des informations avec des grands, pas des grandes lignes, en fait, des détails, puis on fait surtout des suivis sur ce qui a été annoncé le matin. Fait que moi, je me dis, je peux comprendre là, qu'il est à la maison, puis peut-être que, et là, je suis pas en train de dire que le premier ministre a le COVID, là, mais il a été avec sa femme dans la même maison, et tout ça, puis les restes à la maison. Est-ce qu'il veut pas nécessairement nous dire qu'il est peut-être infecté ou quoi que ce soit? Je vais y aller d'une petite conspiration, là. Sinon. C'est miniature, là, comme conspiration. Moi, j'ai l'impression que sa femme l'a eu et que publiquement, c'était une bonne idée de le dévoiler pour inciter les gens à prendre la chose au sérieux. Mm-hmm. OK? Fait que de pas prendre ça pour avoir du capital, mais pour faire prendre conscience les gens, parce qu'il y a une portée symbolique à ce que... Personne n'est à l'abri d'eux. Oui, même la première dame. Exact. Le bout de conspiration, ish, là, tu sais, c'est que j'ai l'impression que peut-être ses enfants l'ont eu et ça, il veut pas rentrer là-dedans. Je comprends. Quand on parle du délai, là, de ben là, si c'est plus sa femme qui est contagieuse, c'est peut-être ses enfants qui l'ont attrapé après, puis là, ça augmente. Tu sais, tu comprends? Je pense, puis je trouve ça, si c'est le cas, puis je trouve ça tout à fait louable en tant que papa, là, que on, même peu importe mes fonctions, je voudrais pas embarquer mon fils puis l'utiliser. Je sais qu'il y a des artistes qui le font puis qui font de l'argent avec ça. Moi, je peux comprendre que tu veuilles pas le faire, tu sais. Fait que si ses enfants ont attrapé la COVID, puis que c'est ça qui augmente le délai pour pouvoir sortir, je trouve ça correct de sa part de ne pas le dévoiler puis de juste prendre sur lui des critiques de gens qui sont pas informés, qui disent « Hey, tu devrais sortir, tu devrais faire ta job. » Il a fait pareil. Là, il a fait pareil à distance. Ben oui. Puis il y en a qui vont dire « Bon, ça limite peut-être sur certaines décisions, quoi que ce soit. Ben. » J'y crois plus ou moins. Là. Mais ça reste que j'aimerais ça quand même qu'on puisse diffuser ce point de presse-là de midi où je ne me rappelle pas qui dit. Je pense que le choix éditorialiste de qu'est-ce que la population souhaite le plus entendre. C'est le premier ministre. Oui, le premier ministre. Puis en plus, c'est que les aspects de santé publique, après ça, tu as Horacio à une heure qui les dévoile pour la particularité régionale, ben, provinciale du Québec, qui le fait super bien. Ah, c'est vrai. Fait que, il est incroyable, ce gars-là. Ben, je trouve qu'on leur fait une belle grosse vedette. C'est le fun, mais il n'est vraiment pas seul à faire le travail. Lui, il sauve des vies en lançant des bons messages puis en en transmettant la bonne information qui permet de diminuer. Mais tu sais, sur le plancher des vaches, il n'y a pas tant d'autorité. Là. C'est bien plus le ministre Macan. Ben, tu sais, eux autres, ils font les enquêtes, ils font toutes ces affaires-là, mais sur le plancher des vaches, ceux qui traitent, c'est le ministre Macan, puis c'est pas elle qui a le spotlight positif en ce moment. Et pourtant, c'est son équipe à elle qui sauve les vies tangibles. Là. Mais donnons à Horacio ce qui revient à Horacio. Oui, tout à fait. Hein? C'est un excellent porte-parole. Et tu sais, puis mettons, là, une personne aux relations publiques d'une entreprise, on s'entend, va divulguer les messages, mais n'est pas sur le terrain, puis fait pas la job, puis tu sais, probablement qu'elle sait même pas ce qu'elle dit des fois, mais elle dit parce que c'est la réalité. Exemple. Okay, je donne un peu d'exemple ici. Là. Mais ça reste que il prend quand même le temps, plus souvent qu'autrement, Horacio, le monsieur le premier ministre, François Legault, ou encore c'est Mme McCann à côté, hein, c'est ça, tu parlais de la ministre. Tu sais, les trois prennent souvent le temps de dire j'ai des gens avec moi qui sont dans mon équipe et qui font ce travail-là. Tu sais, Horacio, je l'ai entendu souvent dire je suis pas tout seul là-dedans. Oui, puis je vais aller m'informer à mon équipe. Exact. Puis tu sais, souvent, il a dit, je ne me rappelle pas à qui il a dit ça, je pense que c'était à le liseur de nouvelles, le lecteur de nouvelles, le liseur. Le lecteur de nouvelles. Le liseur. Il s'appelait Lizerie, je ne sais pas. Mais le lecteur de nouvelles à LCN, il disait, vous savez que je transmets une vedette, M. Horacio. Hein? Puis Horacio a dit, je veux pas être une vedette. Je veux juste sauver le Québec, mais tu sais, je veux juste faire ma job pour qu'il y ait le moins de vie possible qui parte, qui soit perdue au Québec. Puis je serai une vedette après. Je m'en fous d'être une vedette. Moi, tout ce que je veux, c'est faire ma job. Ouais. Puis là, il parlait après ça des tacs portugaises, puis c'est ça. Puis, mais cet homme-là, moi, là, honnêtement, je veux l'avoir comme père demain matin. Puis je l'aime, mon père, là, c'est pas ça. Ouais, non, j'espère que tu continues ta phrase, là. Pas une vedette comme Horacio, on va se le dire, là, tu sais. Il fait pas des tartes portugaises, non. Yeah. J'ai eu des amis, une collègue de travail qui a essayé la recette et a dit « Ça goûte vraiment pas grand-chose. » J'avais pas l'air de demander quelque chose comme « Ah ouais, dans la gueule, puis ah, des pâtes portugaises, mais non. » J'ai vu ça dans 2-3 ans, là, les recettes du chef Horacio, là, ouais. Assis sur son banc. Là. Les classiques portugais de Horacio. Ça moi, j'ai juste hâte, là, ça, c'est un running gag, justement, avec ma collègue de travail. J'ai juste hâte que Horacio, il achète une coupe de air. Tu sais, parce que il parle de party, mais il dit pâté. Mais moi, ça me donne faim. Fait que... J'ai jamais entendu dire pâté. Ah ouais, mais je suis plus capable d'entendre party dans sa bouche à lui. Ouais. Fait que c'est ça, je voulais juste te dire que à travers tout ça, il y a quand même un côté positif à tout. Puis j'invite les gens qui sont à la maison présentement, qui n'ont rien à faire, puis au lieu de vous divorcer, posez-vous donc des questions sur qui vous êtes vraiment. Puis tu sais, des fois, c'est juste un arrêt comme ça pour se questionner. Puis peut-être que vous n'êtes pas dans le bon domaine, vous n'aimez pas ce que vous faites. C'est peut-être le temps aussi là, de vous dire, hey, ben, Colin, j'aimerais quoi? J'aimerais ça faire. Ben, c'est pas, je parle mais mal. Qu'est-ce que j'aimerais faire, moi, dans la vie? T'sais? Mettons, on jase. Être bûcheron, t'as déjà le langage un peu à soir. Oh, je suis vraiment mal. Camionneur, c'est très essentiel. Vroom, vroom, vroom. Hey, je mélange toujours. Ah, c'est ça, là. Je mélange toujours ces deux pubs. Ça va, hein, Nick? Fais-tu une petite crème de maître? Il manque. Quand je fais un AVC, un ACV. Non, mais je mélange une quoi? Une crème de maître? Oui, je sais, je l'ai échappé. Une crème de menthe. Ah, c'était pas parlé, fais pas de podcast. Oui, dit-il. Non, mais je mélange toujours ces deux pubs-là. Tu sais, la pub de Mazda dans le temps, le vroom, vroom, vroom. Oui. Mais à chaque fois, je fais vroom, vroom, vroom. Yeah, yeah, yeah. Cet été au parc safari. Ou meurs, meurs. Je sais pas pourquoi je mélange toujours ces deux pubs-là. OK. j'ai moins de pubs dans ma vie, fait que j'ai pas de référent en tant que ça. T'as jamais entendu la pub à radio là, du Parc Safari? Non. T'as l'une fois, moi, là. Peut-être. Moi, j'ai jamais été, jamais. Au Parc Safari? Ouais. Je suis allé, moi. Mais je sais pas, j'étais pas là. J'étais pas là. Non, mais j'étais allé aux Zoo de Gambé. Ouais. Au Parc Safari, j'ai déjà allé. J'ai été à Granby. On avait un couple d'amis qui étaient là. Et on a fini par passer dans le secteur du Zoo de Granby. Et ouais. Sincèrement, là, il y avait tellement de monde que ça ne donne pas le goût d'aller là. C'est incroyable. Non, puis là, tu te dis, hein, au cas où qu'il y a moins de monde, mais... Il n'y aura jamais moins de monde. Tu veux juste surpluguer ton au cas où. Oui! Non, mais c'est tout le temps la folie furieuse. Ça, puis la ronde. C'est dégueulasse. Là, c'est... Dégueulasse. Ouais. Il y a tellement de monde. Puis, il n'y a même pas assez... Anyway, on va se le dire, là. Il n'y a pas assez de zèbres. Je ne sais pas si c'est non, mais c'est vrai. Ils ont planté leur quota de zèbres, hein? Non, asti. Puis, tu sais, je veux dire, moi, là, dans la vie, là, si j'aime le hockey, c'est pour les arbitres. Oui, oui, ben, je sais. Fait que moi, les zèbres, là. Tout ce qui est zébré. Ben, oui. Tout ce qui est zébré, les zèbres, les abeilles. Oui. Non, mais. Les tigres, quand tu regardes de certains angles. Ouais, hein, tout dépendant à quel pays, là. Non, mais blague à part, moi, les zèbres, je capote. Les lions, un petit peu peur. Mais les lamas, les lamas. Hey! Une claque en arrière de la tête, là. Ah non, hein, moi, je les aime, là. Puis les belettes aussi, les belettes, hein, moi, les belettes, là. J'aime bien ça. Ah ouais? T'as quel âge? C'est beau. Tout non, okay. Dépend, non, mais on est pas, ça dépend de l'heure de la journée. Ouais, hein? Dépend, ouais. Des fois, j'ai 8 ans, 12 ans. Là, je parle comme un enfant, puis j'aime ça. Oui, ben, il y a 2 ans, on est allé au Zoo de Toronto, puis il y a comme. C'est tellement pas tant une bonne expérience, dans le sens que tu vas là, puis t'as des girafes, puis tout ce qu'ils ont, c'est deux grands crises de poteaux dans lesquels il y a un dôme vert sur le top pour faire comme la shape d'un arbre. Mais vraiment d'un... comme d'un arbre tropical. Là, tu sais, c'est vraiment un palmier, là, mais tu sais, en plastique, métal-ish, là. Deux grands crises de poteaux. Puis là, il accroche de la bouffe au bout pour que les girafes s'étirent le cou parce qu'ils sont habitués de manger de même, tu sais. Mais pourquoi ils font si haut? Ben, parce que les girafes sont grandes. Ah! C'est comme pour simuler des... c'est une plaine. T'as rien, là. T'as deux gros crises de poteaux avec des dômes verts pour faire comme le feuillage, là. Puis tu rentres dans le zoo, c'est la première affaire que tu vois. Tu fais comme, hé! C'est ici qu'on va s'émerveiller. Hein? Hein, viens vivre l'enchantement! Ça a l'air que le slogan, quand tu rentres, c'est nous ici, on voit grand. Oui, ouais, tout à fait. Mais il y a un animal que j'étais vraiment content de voir, c'était le dragon de Komodo. C'est quoi le dragon de Komodo? Regarde-moi à faire ça. Oui, non, je sais. Dragon de Komodo. C'est un genre de... gars dans Notre-Dame de Paris. Ça. Non, c'est un gros lézard. C'est vraiment comme un crocodile, mais qui ne va pas dans l'eau. Ça vit juste sur l'île de Komodo. Et c'est un des lézards les plus venimeux. Tu sais, ça peut. Ça te mord, tu meurs. Là, tu sais. Fait que c'est vraiment. C'est comme animal, ça. C'est une bébite préhistorique, vraiment. Un mix entre un iguane et un crocodile, mais qui ne vit pas dans l'eau. Puis c'est super venimeux. Puis je voulais vraiment voir ça. Puis là, il y a comme, t'as une place là, avec tout plein de lézards. Puis là, tu rentres, puis il y a deux statues là, sur le côté de la grande porte que c'est deux dragons de Komodo. Tu rentres dans leur territoire, puis ils te font toute une affaire. Puis là, maintenant, j'arrive. Là, c'est dans le fin fond. Puis là, j'arrive, puis je suis en avant de leur zone, eux autres. Ils sont en traitement. Fait que j'ai pas vu les dragons de Komodo. T'as assez insulté. Non, mais pourquoi t'aimes autant cet animal-là? Il te mord et tu meurs. C'est pas le fun, là. Une fascination morbide. Je sais pas. Ça m'a marqué quand j'étais jeune. Un animal qui peut te tuer de même. OK, toi? Komodo. Hey, c'est... Komodo, K-O-M-O-D-O. Ouais, j'ai ça devant moi, ici, là. C'est... des vieux dinosaures qui existent encore sur la petite planète Terre. Les autres, ils ont arrêté d'évoluer. Je me demande pourquoi je suis surpris que tu me dises ça. Ça, c'est le même gars qui me disait, il y a une couple de podcasts avant qu'on reprenne, là. Moi, j'ai toujours rêvé avec ma femme. On parlait dans le char, là, puis... Avec cette voix-là, là. Oui. Dans le temps que je suis un vieillard. Oui. Dans le temps que tu faisais le père Foura, là. Oui. Moi, j'ai déjà une caroche une clé. Mais... Je me rappelle que tu m'as dit, nous autres, on a déjà pensé, là, si un jour, là, qu'est-ce qu'on ferait, là, si un jour, il y avait une invasion de zombies. Ouais. Oh, après ça, je me demande les dragons de Komodo. Je suis content que tu te souviennes de ça. Je trouve ça important. Pour décrire qui je suis, je trouve ça important que tu te souviennes de ça. C'est une information primordiale pour pouvoir faire, tu sais, comme, pas le portrait robot, là, mais tu sais, le comme un peu l'image de qui je suis, là, de ma personnalité, ça répond bien, ça. Hé, je viens de trouver une photo de la gueule ouverte, non? Ouais. Peux-tu t'envoyer une photo, ici? Ben ouais. Allez voir ça. Allez sur Google. Google. La misère à le dire. Google. Allez sur ce site-là, G-O-O-G-L-E, puis... Oui, parce que le seul site de l'histoire que tu n'as pas besoin de... Épelé, tu l'as épelé. Je t'adore, Nick. Parce que je t'aime. Non, mais allez sur ce site-là, là, puis trouvez la photo où il y a la bouche, mais la gueule, en fait, là, la gueule complètement ouverte. Il y a comme deux affaires en avant. Ça doit être des dents rouges. C'est dégueulasse. On dirait qu'il y a le cancer de la langue. C'est pas agréable. Là. Non. Moi, je vois ça, puis... Non, on va continuer de triper ses belettes, OK, si ça te dérange pas. Oui, ben c'est correct, là. Chacun son animal fétiche. Puis mon autre animal fétiche, là. Ouais. Parce que mon joueur préféré ressemblait dans la Ligue nationale de hockey beaucoup à ça. Mais pas, il ressemblait physiquement, mais son nom, un opossum. Ah, OK. Je trippais à l'époque sur Cal Opposso. Puis, à un moment donné, un de mes chums lance la blague. On va le voir, opossum. Ça. C'est une belette? Ben, ça ressemble à une belette. C'est un petit mammifère. Ouais, il fringue tout. Je ne sais pas trop c'est quoi une belette. Là. J'aime juste le nom. Là. Ah, c'est comme un mélange d'un chien, saucisse, puis d'une souris. Ben, ouais, une belette, ouais, c'est entre une souris et un chien saucisse, puis un opossum, c'est comme si t'enlevais l'aspect chien saucisse. C'est vrai que c'est laid, pareil. On dirait un panda pas fini. Un panda pas fini. Tu trouves pas? Ouais, un peu. Un panda pas fini. Quoi? Je trouve que c'est une belle description. Regarde la tête, là. On dirait un mélange d'une souris, avec les oreilles noires et la tête blanche. C'est un panda, ça. Ça ressemble à ça, effectivement. C'est pas tout le temps beau, hein? Et plus je descends, plus ici, bas, là, un autre avec la gueule ouverte qui est... Ouais, m'a resté à la belette, finalement, OK? Check pas les gueules. Check pas les gueules. Ben là. Non, la belette, c'est cute, ça a l'air. On dirait que... pourrait dormir avec moi, ça. Ouais, peut-être. Je sais pas. C'est-tu agressif, ça, une belette? Aucune idée. J'ai déjà eu une blonde que j'appelais ma petite belette. Ben, une blonde, j'ai eu deux, tu sais. Mais ma première blonde, j'ai déjà appelé ma petite belette. Bon. Puis, son autre surnom... elle n'écoutera jamais le show, parce que c'est pas grave. C'était marqué ça sur mon téléphone, quand elle m'appelait, OK? C'était marqué « Petite écureuil sauvage d'amour ». OK. Ouais. OK. C'est-tu elle qui avait décidé ou... Oh, tu te sentais poète? Poète, je sais pas. Mais je me sentais inspiré. Tant mieux. Mais je suis pas sûr qu'elle ait déjà donné son approbation pour ce surnom-là. Ah, OK. Mais elle t'appelait pas avec elle dans la même pièce que toi, fait qu'elle l'a jamais su? J'y ai probablement déjà dit. Est-ce que c'est ce qui a sonné la fin de votre couple? Tu me fais réfléchir. Non. je on avait des Colombo, là. Non, ben, c'est bien parfait. Tu sais, regarde, moi, l'appeler, moi, te dire ça. Pour jouer, là. Non? Ben, là, ça dépend, de toi. Non, mais je gage. Mettons, fais mon ex, OK? Fais mon ex, là. Allô? Ring. Allô? Hey, salut, c'est Nicolas. Hey, c'est ton ex. Hey, je suis content de te parler. Pas moi. Okay. Je sais pas, êtes-vous resté en bon terme ou pas de terme? Je sais pas. Enfin, je veux comprendre que ça doit être pas de terme. Ben, je sais pas si c'est encore en vie. Fait que, on va dire oui. Tu l'as-tu? Non, non, mais dans le sens. Attends. Je suis allé voir le show des Denis Drolet avant qu'on ait plus le droit d'avoir aucun spectacle en attendant le beau temps. Et qu'est-ce qu'ils se sont trompés? Et à un moment donné, dans le show, Denis Barbu, il lâche un corps genre, comme son père qui dit à sa mère: toi, si t'arrêtes pas, ma tabarnak, m'a te laisser dans la forêt aux trois corps mortes. Aux trois corps mortes. Ouais. Comme le corps, pas... c'est quoi? Mais non, mais elle n'est pas morte, elle est juste presque morte, là, aux trois corps morts. Ah, OK, je pensais qu'il. Fait que là, toi, tu me dis que tu ne sais pas si elle est encore en vie. Non, mais je blague, là. C'est-tu parce que tu l'as laissé dans le bois aux trois corps morts? Hey, là, dis pas ça. Le monde va penser que j'ai déjà fait du mal à quelqu'un. Si j'ai juste tué une mouette une fois dans ma vie, là, tu sais. Hey. Non, mais pour vrai, elle est super fine. T'as encore envie, là. J'ai vu son Facebook il n'y a pas long. Là. Tantôt. Tu l'as stalké, là. Elle est en couple, là. Avec un écœurant. Non, il a l'air super fin. Il a l'air placé dans la vie. Il a l'air de l'aimer. Tu sais, toutes des mauvaises qualités, là. Pas des défauts, des mauvaises qualités. Il y a une différence. Des qualités comme vraiment poche, là. Non, mais tu sais. Je comprends pas pourquoi il est parti. Non, je comprends. Ben, moi non plus, je comprends pas, mais je comprends que tu comprennes pas. Tu sais, on était ensemble encore en secondaire 3. Hey! Ça, c'est solide. Ben, hey, cette fille-là, j'avais tellement couru après, man. Couru après, là. Tu l'as dépassé. Ben, hey, je suis sûr que oui. J'ai fait le tour trois fois, hein. Ah non, elle était belle comme un cœur, là. Tu sais que c'est pas beau, un cœur, hein. Non, un cœur sur Google. Là. OK, avec les aortes et tout. Calme-toi, la trachée. Pas beau. Hein? C'est pas beau, un cœur. Ben, yeah. C'est pas grave. On se comprend, là, c'est une expression. Le point était, OK, le point était que je la trouvais belle comme un cœur. Oui. Mon père m'a déjà dit que j'étais gros comme une bolle de toilette, puis Chris, tantôt j'ai joué dedans, là, je trouve pas ça si gros que ça. J'avoue. Fait que c'est ça, je voulais te parler du fait que, parce qu'il y a une demi-heure, je te disais qu'il y avait quand même de quoi de beau à cette crise-là. Ouais. Oui, vas-tu finir ton histoire, là? Ben, il y a de quoi de beau à cette crise-là, tu sais, ça nous amène à se questionner sur ce qu'on veut vraiment. Oui, OK. C'est ça, le beau. Fait que mon ex, c'est quoi? Pourquoi on a parlé de mon ex, en fait, là? Je sais plus. Ça pour dire que je m'en rappelle plus, mon nom. Oui, que tu l'appelais ton petit cœur d'écureuil, ouais. Ouais, le petit cœur, les petits écureuils sauvages. J'étais bien, bien fine. Avec elle, j'ai eu mes premières expériences. Ben, à l'épicerie. Oui. L'expérience de couple, là, tu sais, d'aller faire l'épicerie, d'aller au cinéma. De... Ouais. Hey, elle s'est dit, je m'en veux tellement, man. Hey, on jase, là. À ses 18 ans, elle avait dit, je te vois, lâche-la. Mais sa fête, c'était un mois avant moi, OK? OK. Puis elle a eu 18 ans un mois avant moi, puis moi, vu que j'étais un bon petit gars qui respecte les lois, genre, je suis confiné chez nous, ben, à 17 ans, je sortais pas pouce. À ses 18 ans, elle était tellement déçue. Je l'ai sorti au bowling avec mon meilleur chum. Nice. Elle, là, sa soirée 18 ans, elle l'a passée, là, avec un spécial clair de lune, pas dans un bar, restez, elle l'a passé sur l'allée 4 à Delsun. Hey, le rêve! À faire des spares. Oui. Puis des splits. Oui. Mais, elle avait gagné la game. Oh! Hey. Je sais que t'écoutes pas Blue Jinx Bleu, mais t'es réécouté la toune. Veux-tu faire un bowling? Ouais, OK. C'est ça. OK. Hey, JB, oui. Toi, t'avais de quoi me dire? Oui. Ben, je t'écoute. OK. On a introduit, hein? Nick, sort tes talents d'animateur un petit peu plus, là. Non, en fait, je sais. On s'est parlé un peu dans le bon sens du poil. Ben, adoucis-moi. Va me glousser. Toi et Marie, là. Calme-toi, Marie. Non, en fait, pour tous ceux et celles qui nous écoutent, on se parle toujours un petit peu avant le show. On se dit pas nécessairement ce dont on veut se parler parce qu'on veut garder l'effet de spontanéité. Surprise. Exact, la spontanéité, là, le mot de l'université de JB. Là. Mais. Mais. J'ai l'air d'investir de péter de brou à cause de toi. Hey, gars, t'as allé à l'étude. Mais là, le monde avait vraiment besoin que je le dise. OK, c'est bon. Mais non, mais on va dire les vraies affaires, là. Avec ton petit bout rouge, là. Je parle du micro que je vois dans l'écran. Oh, ouais. Mon petit bout rouge. Là, oui, mais dans l'écran, il y a un bout rouge. J'ai déjà compté ma circoncision, hein. Mon petit bout rouge, il a l'air. Pas là, là. Ah. Non, j'avais compris. Pas en ce moment, là. Mais, parce que JB, pour finir la parenthèse de ça, il a son... Sa capote de... Il y a une mousse par-dessus le bout du micro pour enlever les puffs. Sur lequel il postillonne depuis tantôt. Ouais. Mais tout ça pour dire que c'est ça le bout rouge. Est-tu rouge ou c'est la lumière qui fait qu'il est rouge? Non, la mousse est rouge, oui, effectivement. OK. Donc, des circoncis. Ben oui, je t'ai déjà compté, en plus, sur le magasin général. Voyons donc. Hey, tu te souviens que je me suis questionné avec ma blonde qu'est-ce que je ferais en cas de zombie apocalypse, mais tu te souviens pas de mon anecdote de circoncision? Ben, je choisis mes bottes. Et clairement, le mien n'était pas le tien. Ben, tu sais, rien contre l'homosexualité. Absolument rien contre ça. Non, mais toi, tu veux pas l'essayer. C'est ça, hein? Ben, j'ai pas d'intérêt à essayer ça. Non, je comprends. Belle une femme. Hein? C'est donc bien beau une femme. Oui. Définitive. Puis, tu sais, un jour, si je tombe là-dedans, ben pas que je tombe là-dedans. Mais, ou si que l'homosexualité te tombe dedans. Oui, tu sais, si je rentre dans ce sujet-là, ben, je t'en parlerai, mais pour le moment. T'es confiné. Confiné. Confiné l'hétérosexualité, c'est ce que je te dis. Non, blague à part, c'est vrai que j'ai rien contre l'homosexualité, là, avant que les gens pensent que. Oui, j'ai entendu à ça, là, on s'entend, je veux pas partir de scandale. Là. C'est du COVID, on en parlera. Mais... Ceci dit, on se parle jamais vraiment de ce qu'on veut se dire et tout ça pour la spontanéité. Là. C'est bon. Et. Tu l'as eu. Merci. Mais des fois, quand on a un sujet plus difficile à aborder ou qu'on veut, tu sais, vraiment en parler puis le faire comme il faut, JB a très bien fait ça. Il m'a écrit hier, Nick, je veux te parler de quelque chose qui est important pour moi, mais je pourrais pas poursuivre par la suite. Donc, T'sais, on va en parler à la fin. Et je respecte entièrement ça. Donc, pour ça, là, si tu le veux bien, puis vraiment, si tu as d'autres choses à dire avant, on peut passer à non, c'est bon. Moins important, mais je pense que ça pourrait être le temps là, que tu nous... Ouais. Parce que je sais que ça a un rapport avec la COVID, entre autres, puis ton emploi qui touche ce milieu-là. Oui. Je travaille dans le domaine de la santé. Je travaille pour un CIS, donc dans la région du Outaouais. Il y en a un par région, fait que, à part dans le coin de Montréal. Puis en Estrie aussi. Ouais. Je m'occupe, mes tâches particulièrement, c'est tout ce qui est audiovisuel. Fait que captation de vidéo, je fais aussi du web, conférences de presse, organiser les aspects techniques de ces événements-là. Je travaille pour le service de communication. Cette semaine, on m'a demandé d'aller faire une captation que j'avais vraiment pas le goût de faire. On m'a demandé, on est en plein dans la plus grosse pandémie de l'histoire de la planète depuis 100 ans. L'histoire de la COVID-19. On traverse ça. Il y a des gens. On le dit, là, il y a 1 million de personnes qui étaient atteintes par ça. Et on m'a demandé d'aller filmer. On m'a fait la demande. Nous, on est jeudi, fait que mardi. Mardi matin, ma supérieure m'a demandé d'aller filmer dans un hôpital. Fait que, comme tu peux te l'imaginer, c'est pas le genre de place que tu as le goût d'aller dans la situation actuelle. C'est ma job. Je peux pas refuser. Je peux pas ne pas y aller parce que c'est un refus de faire tes tâches. T'sais. Fait que quand ma boss m'a demandé d'aller là, ben, un, ça me tentait pas. Deux, j'avais pas le choix. Trois, je mettais ma santé en jeu, potentiellement. Mais je mettais aussi en danger, potentiellement, ma blonde puis mon fils. Parce que même si tu croises quelqu'un, tu n'as peut-être pas de symptômes, mais tu peux être quand même contagieux. Tu peux. Bon. Depuis le début de cette histoire-là, que moi, je travaille encore du bureau, fait qu'à tous les jours, quand j'arrive, je me déshabille. Je vais dans la douche avant de donner un bec à mon gars, avant de donner un bec à ma blonde, avant de leur toucher. T'sais. Mon gars veut que son papa lui donne un câlin t'sais, quand il arrive. Papa! Il crie t'sais, dans la maison, puis il a donc hâte de voir son père, puis je suis obligé de passer par cette étape-là. Puis c'est correct, t'sais, c'est par précaution. Puis là, ben, mardi, quand j'ai eu cette annonce-là que je devais aller faire la captation que j'ai fait, soit dit en passant, là. Il y a plein de choses qui m'ont passé par la tête. Il y a plein d'émotions, du stress, de l'angoisse, de pas savoir qu'est-ce qui allait arriver pour moi. T'sais. Est-ce que je serais en danger? Est-ce que je... T'sais, ça, je disais tantôt, t'as pas le goût d'aller dans un hôpital là. Là. T'sais, si t'as pas d'affaires là, on dit à tout le monde, éviter les rassemblements, éviter de sortir de la maison. Les règles d'hygiène, éviter t'sais, la propagation, puis moi, je m'en vais direct où est-ce que le combat se passe. Je m'en allais filmer, c'est annoncé là, par le gouvernement Legault, des nouvelles cliniques, des unités COVID qui appellent. Dans le fond, c'est les endroits où est-ce qu'ils vont traiter les gens dans les hôpitaux. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont complètement designé, si on peut vraiment appeler ça comme ça, là, un hôpital dans un autre hôpital. Dans le fond, ils ont tout designé la circulation des personnes parce qu'il y a des gens qui se rendent à l'hôpital même s'ils n'ont pas la COVID, puis il y a des gens qui se rendent à l'hôpital parce qu'ils ont la COVID. Ils ont designé des chemins dans l'hôpital, zone verte pour les gens qui n'ont aucun symptôme, rien, qui n'ont pas de risque. Zone orange pour les potentiels puis les zones rouges. Puis la zone rouge, c'est là où est-ce qu'on va traiter, c'est là que l'unité allait. Mais dans l'hôpital, tu ne peux pas circuler par toutes les portes. Ils ont tout bloqué les entrées, puis ils ont vraiment certains corridors sont littéralement bloqués juste pour les gens qui ont la COVID. Puis moi, je suis allé filmer tout ça. Là. C'est toutes ces installations-là avant qu'il y ait les premiers cas. Mais la dernière fois que j'ai fait de la radio, je t'en ai déjà parlé, Nick, j'ai arrêté de faire de la radio parce que j'avais une boss qui était tout le temps sur mon dos. T'sais. Ça m'a donné tranquillement, pas vite, à petite goutte, ça m'a amené dans une situation psychologique qui était vraiment pas cool. J'ai arrêté de faire de la radio parce que c'était plus relié, c'était plus une source de bonheur. T'sais. Quand je rentrais travailler le lundi matin, je pleurais. T'sais. Ce qui n'est pas censé être l'émotion que tu es censé avoir quand tu ouvres ton micro et « Hey, salut gang, bon matin, on se donne... » C'est pas ça. Fait que j'ai lâché ce job-là parce que ma santé mentale, j'ai pas fait une dépression, j'ai fait l'autre de dépression, puis il y a... Un burn-out. J'ai fait un burn-out, qui a été diagnostiqué. J'ai eu des médicaments, tout ça. Puis cette semaine, quand j'ai eu cette demande-là de ma boss, c'est comme si tout... Tu sais, en radio, ça a pris du temps. T'sais, tu disais goutte par goutte, ça a fini par... Ça a tellement été progressif que c'est à un moment donné, c'est ma blonde qui s'est rendue compte que ça n'allait pas. Parce qu'elle était retournée à Saint-Pierre. Moi, j'étais en Beauce, puis elle était retournée à Saint-Pierre pour un contrat de 6 mois, tu sais, pour finir l'année scolaire. Puis c'est quand t'es revenu à la fin de l'année scolaire, en juin, presque juillet, que elle s'est rendue compte que ça marchait pas. Tu sais. Il y avait quelque chose de brisé, puis c'était mon cerveau, c'était ma tête. Tu sais. Fait qu'elle m'a amené à l'hôpital pour avoir un diagnostic, puis d'avoir un traitement, puis de pouvoir avoir un arrêt maladie. Ben là, cette semaine, j'ai vécu ça, mais en dedans de 2 jours. Le stress, l'angoisse de. Tu sais, déjà, je sais pas pour toi, Nick, mais moi, je peux pas me coucher puis dans la dernière heure, j'ai entendu parler de COVID ou de coronavirus. Fait que ça veut dire plus de Facebook parce qu'il y a rien que ça partout. Plus de Reddit, il y a plus rien de social parce qu'il y a. C'est ça, partout, tout le temps. Mais mardi matin, quand j'ai eu cette demande-là, ben, tu sais, j'ai même demandé à ma boss qu'est-ce qui se passe si je refuse d'y aller. Puis là, on me dit, ben, c'est pas pire qu'aller faire ton épicerie. OK, mais mon épicerie, tu le sais qu'à un moment donné, si j'ai plus de bouffe, je vais mourir. Aller à l'hôpital, là, pour filmer, un bon coup de l'organisation, puis c'est justifié de faire cette clinique-là. Je ne sais pas jusqu'à quel point de faire une vidéo est un point positif. Ça va changer quelque chose. Ça ne sauvera pas des vies de faire ça. T'sais. Parce que de toute façon, les gens qui vont être pris en charge, on va leur dire où aller, puis où pas aller. Puis je comprends la volonté de l'organisation de vouloir bien paraître, mais en même temps, de mettre ma santé en jeu, puis de mettre celle de mon gars puis de ma blonde, ça, je trouve ça vraiment pas cool. Bon, j'ai pas le choix parce que c'est ça. J'ai pas le choix d'y aller. J'ai passé hier presque 3 heures à l'hôpital d'un bout à l'autre de la bâtisse. J'ai fait des boules d'angoisse, j'ai fait du gros stress à côté. Hier, c'est ça, j'ai filmé de 10 à midi et demi. Je suis revenu à la maison. On avait un point de presse de la PDGA organisé en direct sur Facebook. Fait encore du stress. Hier soir, j'ai fait du montage vidéo jusqu'à 9h le soir parce que les capsules, ils voulaient pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait du montage vidéo encore. Fait que ça fait comme... Il y a 48 heures, là, mardi, mercredi, que c'est vraiment pas cool, là. Je savais pas bien. Je sais pas. Puis une chance que ma blonde était là. J'avais peur de sa réaction. Parce que les fois précédentes que j'ai eu à les filmer dans d'autres environnements, j'étais allé filmer une centrale téléphonique, là, tu sais, le numéro 1877, là, qui est partout dans la province. Ben là, il y a des centrales qui sont faites dans chacune des régions. Fait que j'étais allé filmer une des centrales avec une téléphoniste pour. Fait que, puis ma blonde n'avait pas trippé. Tu sais, le fait qu'on nous fasse nous déplacer, aller voir d'autres gens, puis. Puis je comprends. sais, qu'elle n'était pas contente. Encore une fois, j'avais pas le choix, mais le risque pour moi me semblait beaucoup moindre parce que c'était pas un environnement où est-ce qu'il y avait des gens malades. T'sais. Mais là, l'hôpital, c'est direct, là. Oui. Fait que c'est ça. Je veux pas... Tu sais, je vois que ça t'affecte beaucoup, puis honnêtement, je le serais probablement aussi. Je te connais assez pour savoir que la santé de ta famille est extrêmement importante. Est-ce que tu en as parlé, ça, avec tes supérieurs? Oui, oui, oui. Je, mais... Puis je veux pas te mettre dans une situation qui pourrait... Non, je sais, mais t'sais, la réponse, c'est ça, c'est que c'est pas pire que d'aller faire ton épicerie ou whatever, puis... T'sais, c'est ça. T'as la même réaction que moi. T'sais, si j'ai plus de bouffe, on meurt. Là je me mets en danger pour pas grand-chose. C'est sur le plan personnel. Là, pour mon salaire, pour garder ma job. Pour... On en a besoin du salaire. On a une maison, on a des chars, on a plein d'affaires à payer. Mais moi, quand j'ai appliqué pour cette job-là, il y a genre 4 ans, j'avais pas prévu une pandémie mondiale puis que j'irais filmer dans une zone de guerre. Là. C'est, parce que c'est ça, là, c'est une guerre contre un ennemi invisible. Là. Puis, tu sais, j'étais... Genre, la journée que j'ai eu l'annonce, mardi, j'étais, un, stressé pour moi, tu sais, pour ma santé, pour la santé de ma blonde, mon fils, d'aller là, mais aussi la réaction de ma blonde. Parce que je savais comment est-ce qu'elle avait réagi les fois d'avant. Puis, fait que là, j'avais comme... À un moment donné, il fallait que j'y dise. Fait que toute la journée... Elle me textait, je répondais pas, elle m'appelait, je répondais pas. Tu sais, je voulais pas la faire angoisser plus vite que au moment où est-ce que j'aurais le temps d'y parler. C'est pas au bureau que tu as le goût d'avoir une discussion de cette nature-là. C'est pas à distance. Je voulais l'avoir face à elle. Fait que j'avais ce stress-là que supplémentaire de sa réaction. Puis comme c'est ça. Je voulais pas. Elle a super bien réagi. Elle a vu comment est-ce que moi ça m'affectait. Fait que je pense qu'elle a pris beaucoup sur elle. Elle m'a pas démontré sa vraie réaction, tu sais, ses vraies émotions à elle pour pas m'en rajouter à moi sur mes épaules, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, dans la vie, c'est le fun d'avoir une bonne coéquipière de même, là. De se savoir supporter. J'avais peur de ça m'a créé ça de l'anxiété, tu sais, de savoir comment est-ce qu'elle était pour réagir, mais. Fait que ça s'est bien passé. Les captations ont bien été. Je me suis pas senti en danger. Tu sais, toutes les règles de sécurité, pas de serrage de main, pas de, tu sais, le nettoyage des mains quand tu rentres. On s'est lavé les mains à plein d'occasions, mais juste, c'est anxiogène, là, tu sais, de devoir se rendre dans ce lieu-là, dans cette situation actuelle. J'ai vraiment pas trippé, là. J'ai pas aimé ça, là. Ben, j'espère que ça t'a fait du bien d'en parler. Ouais, ben là, ça me remet dedans aussi, là. Ouais. Mais je sais que tu voulais en parler. Fait que de certaine façon, je suppose que ça t'a fait du bien. Ben, c'est parce que, pour avoir déjà fait un burn-out, je trouve ça important de... Faut pas garder ça dedans. Ben oui, c'est ça, de l'exprimer, mais de montrer aux gens que ça fait du bien, tu sais. Là, c'est pas le fun, là. Mais de l'exorciser, de l'extérioriser, ça fait du bien. Puis ben, de demander de l'aide aussi, c'est primordial. Fait que c'est pour ça que je le fais. Peut-être que j'aurais dû attendre plus. Là. Peut-être que c'était trop rapide, là, 48 heures d'avis. Là. Mais ouais, c'est ça. Je trouve ça plus important de le mentionner puis de propager le message que faut parler, parce que moi, j'ai parlé avec ma blonde, j'en ai, tu sais, puis avec une de mes collègues de travail, de comment est-ce que je me sentais, de mes émotions, ce qui me passait par la tête. J'ai essayé de tout évacuer le plus vite possible. J'ai quand même, tu sais, eu des... Quand j'avais des boules d'anxiété, ben, je le mentionnais pour que, ben, soit on change de sujet, soit on en parle, pour mieux traverser, tu sais. C'est pour ça que j'en parle sur le show, parce que si ça peut aider quelqu'un... Exact. Tant mieux, tu sais. C'est peut-être trop vite, mais en même temps, quand je livre là, parce que c'est là qu'on a l'occasion, là. Mais ouais, c'est pour ça que je le fais, là. Ben, c'est pas parce que je veux show it off ou quoi que ce soit. Non, là, non, non, pas du tout. Puis je pense pas qu'il y a personne qui l'ait pris comme ça, qui va entendre ça, mais c'est important, tu le disais, d'en parler, puis de parler de nos émotions, de comment on vit. T'sais, en ce moment, là, il y a pas une situation dans ta vie, et là, je parle à tout le monde, là, qui va mener plus d'anxiété. Et ça, c'est au niveau mondial. Là. Je veux dire, le nombre de... si je faisais à la blague, là, quelqu'un qui me disait à la blague avant la crise que les compagnies pharmaceutiques qui font des pilules contre l'anxiété puis de d'antidépresseurs et tout ça vont faire de l'argent après, puis ceux qui ont des actions de ça vont faire de l'argent. Là. C'est vrai. Là. En ce moment, là, ils en font déjà, mais je veux dire, en ce moment, il y a du monde qui vont tomber dans ce pattern-là. Mm-hmm. Qui aurait jamais pensé le vivre une situation comme celle-là, parce que c'est tellement plus gros que nature, c'est impossible d'imaginer ça ou de se préparer à une situation comme celle-là. Fait que M. Legault le disait justement, je pense que c'est lundi, parlez si vous avez besoin de parler, prenez un rendez-vous chez le psychologue, parlez à des amis, tu as la chance de le faire sur le show, puis t'as d'autres personnes que tu vas pouvoir guidé vers justement des options qui sont là, des spécialistes et tout ça. Fait que je pense que tu fais très bien d'en profiter. Puis honnêtement, je te le dis sur le show, mais encore là, pas pour paraître pour le meilleur gars de la planète, là, mais si tu as besoin de parler, tu m'appelles anytime, mm-hmm. puis on fera ça au téléphone, puis je vais prendre du temps pour toi. Tu sais que je t'aime, fait que ça va me faire un grand plaisir de juste t'écouter. Merci, Nick. Ouais. Ben, j'espère sincèrement que ça t'a fait du bien d'en parler. Puis si ça peut passer le message à certaines personnes qui nous écoutent, ben pas parler... là, mais. Non, mais le parler. Bien, je veux dire, là, ouais. Là, ça fait. C'est ça. C'est une boule à passer. Puis je pense que c'est nécessaire de le faire. Là. Je pense que c'est important de le faire. Peut-être pas nécessaire. Ouais. Là, en tout cas, whatever. Puis, yeah. Si jamais tu veux sourire, va sur GOOGLE. Tape belette. La première belette. Photo, là, ça va te faire fendre en quatre. Ah, hey, fais attention à tout, mon chum. Merci, Nick. Salut. Salut, là. I wish you could swim like dolphins can swim. Though nothing will keep us together. Oh, we can beat them forever and ever. We can be heroes just for one day. Just for one day. be heroes just for one day. We can be heroes just for one day. We can be heroes just for one day. Just for one day. Hey, s'il y a de quoi, tu m'appelles un état, Emmanuel, tu le sais? Oui. Ouais, je vais aller faire le montage. Là, demain, ça devrait être plus relax. Comme je disais à ma collègue, c'est mercredi, après avoir capté, il y avait le point de presse. Puis on a une caméra avec trépied, blablabla, tout ça. J'ai laissé ça au bureau. Puis là, ben, demain, faut que je retourne à l'hôpital encore. Là, il manque certains matériels. Mais là, au moins, je sais que l'environnement est comme contrôlé. Fait que j'ai pas cette crainte-là, parce que je sais vers où je m'en vais. Puis là, elle dit, ma collègue a dit, ah, t'aurais dû repartir avec la caméra, tu sais, t'aurais pas eu besoin d'en revenir. Puis j'ai carrément dit, non, j'ai volontairement laissé la caméra au bureau mercredi soir parce que aujourd'hui, je voulais être sûr que s'il y avait quelque chose à brûle pour point, une captation, que ça soit pas moi qui y aille. T'sais, j'avais besoin de pas avoir ce spectre-là de possibilités qui plane au-dessus de ma tête. J'avais besoin de mentalement pas avoir cette charge potentielle-là. T'sais. Ouais, t'as bien fait. À un moment donné, il faut que tu penses à toi aussi là-dedans. Ouais, c'est ça. Fait que demain matin, je me rends aller-retour au bureau, puis j'en reviens quasiment à côté de chez nous, mais c'est correct. C'est important dans le processus. Si ça te fait du bien, c'est ça qu'il faut. Yeah. Bon, je te laisse. Tu m'appelles quand tu veux, OK? Yeah. Salut. Là. Salut. Merci, Nick. Merci à toi. Bye. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way, and the stars look very different. Am I sitting in a tin can, far above the world? Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.